travailles pour moi. Backstage, les coulisses du son. En couleur, en concert, sur RQC. Vous écoutez Backstage. Eh bien, bien le bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices d'RQC 95 FM. Avec vous jusqu'à 10h30, Scream pour l'émission Backstage. Et voilà, bien, je suis bien content d'être de retour parmi vous après ces deux petites semaines de vacances. Voilà, je suis là. Et j'espère qu'on va passer une heure agréable et j'espère vous faire découvrir, ou peut-être, si vous connaissez peut-être le groupe, la formation ou quoi, vous apprendre des choses sur le groupe que l'on va vous parler aujourd'hui. Mais comme d'habitude, juste avant de vous parler de cette formation, on va s'écouter un titre et après on revient pour la présentation de cette formation, de ce groupe. Voilà. Since the time when Ra and Isis raised the Sphinx out of the sand, and Apollo dreamed Athena, and men began to understand that when darkness folds on darkness in the restless tides of night, and the lightning raises shadows, and for moments gives them life. It's been said by those who ponder that it surely is a sign that a life touched by the stars is now running out of time. And somewhere in that darkness, in the heart of that great storm, the world returns a soul that the gods caused to be born. And this was such a storm, the kind one rarely sees in life. For in a room now filled with shadows, the great Beethoven was spending his last night. Now gathered around him there were the ghosts from out of his past. For in the play unfolding there this night, they would be the cast. And there among these shadows was the beautiful spirit of fate, who had arrived with her dwarf son Twist, and with the other ghosts did watch and wait. Dark, he sits alone to watch his final hours bleeding. While unconcerned upon the wall, the clock it ticks away the time. No need for words, for in the dark, all words have long since lost their meaning. Still, when they whisper in his ear, he tries to read between the lines. What I see in the night, what I feel in your heart, all your dreams, all your lies, can you tell them apart? See the hands on the clock, are you watching them turn? For your candle's quite low, we've been watching it burn! Do you lie here awake? Shadows look on. Should they cry for your sake? Should you sleep in their arms? For the shadows see all and they rarely forget every dream that you've had, every act you regret. Oh. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez reconnu pour certains, il s'agit tout simplement de Trans-Siberia Orchestra. En même temps, c'est un peu nous, notre hommage qu'on rend à Paul O'Neill. Je vais en parler aussi dans l'émission. Donc voilà, le titre qu'on vient de s'écouter, c'est Midnight Narration, donc au départ. Et puis après, c'était enchaîné avec Midnight. Donc il y aura assez bien... excusez-moi, de titres, car c'est vraiment des courts extraits, des fois, avec des narrations, entre autres, et tout ça, donc vous allez voir, c'est vraiment monstrueux ce que Trans-Siberia fait, et s'il passe par chez vous, moi, franchement, je vous conseille de courir les voir, car ils passent très, très, très rarement. Alors, Trans-Siberia, donc c'est d'origine aux États-Unis, musical, mais on peut considérer ça comme du metal orchestra ou du rock orchestra, donc orchestral. Et il existe depuis 1996, et c'est sur le label Atlantic Records. Il y a même un site officiel, Trans, donc T-A-R-N-S, trait d'union, Siberian, S-I-B-E-R-I. an.com. Si vous voulez vous aller jeter un œil, vous pouvez et vous allez apprendre énormément des choses. Alors, Trans-Siberia Orchestra, souvent abrégé en TSO, est un orchestre rock créé en 1996 par Paul O'Neill qui nous a quitté à l'âge de 61 ans dans un hôtel de Tampa en Floride il y a à peu près maintenant de cela une vingtaine de jours. Robert Kinkel, qui était à la création avec lui, et John Oliva, ex-chanteur, claviériste, on peut dire, quand je dis ex, pourquoi ? Parce que pour le moment, on ne sait pas si Savatage va reprendre du service, on n'en sait rien. Donc c'était un membre de Savatage. Il est connu principalement pour ses reprises de chants de Noël. C'est pour ça que je vous ai choisi un album, Trans-Siberia, qui s'appelle tout simplement Beethoven Last Night, et pas beaucoup de chants de Noël. Mais si vous voulez vous procurer des chants de Noël, donc pensez à Trans-Siberia. Ça changera un petit peu des standards classiques que nous avons l'habitude de voir et d'entendre pendant cette période de je prends un exemple, même si j'aime bien, hein, des Céline Dion, des Whitney Houston ou quoi, il faut savoir aussi qu'il y a des autres groupes et des autres genres musicaux qui font ce genre de musique. Alors, TSO, donc Trans-Siberia, a été créé à New York en 1996 par les compositeurs Paul O'Neill et Robert Kinkel, ainsi que par le chanteur de Savatage, John Olivia O'Neill, avait déjà produit et dirigé des groupes de rock tels que Aerosmith, Humble Pie ou Les Scorpions. Il a commencé à travailler avec Kinkel et Oliva quand il a écrit pour Savatage et qu'il les a produits. L'industrie musicale n'avait pas accueilli chaudement le concept de l'orchestre jouant des musiques de Noël dans des styles opéra rock, mais celui-ci est assez vite a fait vite ses preuves et est monté très fort dans le succès auprès des adultes ainsi que des jeunes. On va s'écouter donc deux ou trois extraits de l'un à la suite de l'autre, donc de Trans-Siberia Orchestra. Franchement, allez les voir, je vais insister beaucoup. Pourquoi ? Parce que quand ils sont venus par exemple à Forêt Nationale, c'était sale comble, mais c'est vraiment un opéra rock et avec des effets spéciaux, des plateaux qui bougent tout le temps. Donc franchement, ça vaut vraiment la peine, pas seulement pour nos oreilles, mais aussi pour le visuel. Alors là, on va s'écouter trois titres l'un à la suite de l'autre. On va s'écouter Fate, What God This Deafness Narration et What God This Deafness, tout simplement. Donc il y a la narration, puis après, il y a la chanson. Voilà, c'est parti les amis. Backstage, les coulisses du son. Faith, every leap, every dream, when you're standing all alone with your dreams in the dark, never knowing what is real in the shadows you meet, never knowing what is true in the answers you seek, never knowing if faith she hears me, faith stand near me, faith state clearly whether there will be another card, retrieve us, time deceives us, faith she hears us, but she doesn't listen very hard as she drifts. Our lives tossing coins into the air. Watch them twist, watch them fall, turning hope into despair. Watch them twist, watch them fall. deceives us. The only moment in our lives that ever really mattered, fate is done. Though upon this night the darkness humbled, candles sputtered, spirits grumbled, brooding in this bitter room, what fate had woven on her loom, while shadows fed upon the gloom. But as these spirits talked and chattered, with all their thoughts quite widely scattered, on things that no one else thought mattered, Beethoven, who as you know was quite deaf, heard all their words with deep regret, and wished that he was deafer yet. What could this deafness that my whole life I have dread? What could this deafness with these voices in my head? What could this deafness if this prattle I must hear? If I were blind, I'm sure they wouldn't disappear. Did you really want to believe what you're saying? Did you really want to be here alone? Have I interrupted a moment of play? While your life's decaying, your sins are they weighing? While you've been carving your stone all on your own. Did you really want to sit here in silence? Could it be that brooding is part of your art? Is it an extension of artistic license, a moody defiance of all of life's tyrants, while you've been searching your heart alone with us in the dark? Je vous l'ai dit, hein, c'est un peu spécial, mais un peu, ça change quand j'entends parler, j'ai rien contre du tout, hein, bien entendu, des 10 commandements, des Notre-Dame de Paris, des comédies musicales, eh ben, c'est exactement pareil, mais voilà, c'est un peu plus rock'n'roll et ça vaut vraiment le coup d'œil d'aller voir et d'entendre ce genre de choses. Alors, leur premier album, Christmas Eve and Other Story, est sorti en 1996 et demeure actuellement le plus vendu. The Christmas Attic, sorti en 1998, est un album concept similaire, s'inspirant de Noël. En 2000, ils ont sorti leur premier album et unique jusqu'à présent, n'ayant pas trait à Noël, donc c'est celui qu'on écoute pour le moment. Beethoven Last Night est un album concept racontant la dernière nuit de Beethoven sur Terre. Donc voilà, vous voyez que il s'inspire d'histoires, de faits réels et arrive à créer une atmosphère comme ça et vous plonge pendant 2 heures de concert ou 2 heures d'écoute parce que c'est le Beethoven Last Night est quand même un double album qui est vraiment superbe que je vous invite franchement et là vous allez découvrir une partie. Pas tout, malheureusement, et c'est super, quoi. Voilà. Pendant laquelle il raconte Fate, la destinée, son fils Twist et Mephistopheles. Après une tournée de plusieurs années, ils enregistrent un nouvel album, Lost Christmas Eve, en 2004, et sortent le coffret The Christmas Trilogy, qui contient leurs 3 CD sur Noël ainsi qu'un DVD The Ghost of the Christmas Eve. Depuis début 2005, l'orchestre travaille sur un nouvel album Night Castle prévu pour l'été 2009 et je vous garantis il est sorti finalement et franchement c'est une véritable bombe. Il ne s'inspire pas du thème de Noël et il contient les versions de Carmira Burana, si vous vous souvenez, Karl Orff, bien entendu, qu'ils avaient joué lors de la tournée 2004, 2005, 2006 et 2007. Malheureusement, Paul O'Neill, lui, nous quittera en avril 2017. On ne sait pas de quoi, à l'âge de 61 ans. Je continuerai par la suite. Là, on va s'écouter donc le fameux Mephistopheles. D'abord la narration d'un petit 3 minutes, hein, et après on va écouter le morceau Mephistopheles, donc de Trans-Siberia Orchestra. Et j'insiste franchement à aller les voir, parce qu'après je vous donnerai tous les noms des gens qui ont participé aux tournées ou à l'enregistrement des albums de Trans-Siberia, donc TSO. Et franchement, il n'y a pas que c'est pas comme si c'était un groupe avec un batteur, deux guitares, basse, clavier, si même vous voulez, un chanteur. Non, c'est vraiment une grosse armada. Quand je vous dis armada, vous allez comprendre par la suite. Allez, c'est parti avec Mephistopheles, The Narration, et pas après la chanson de Trans-Siberia Orchestra. En couleur, en concert, sur RQC. Beethoven then begged for these shadows to take their leave, that they had no business being there. But the shadows, they disagreed. For no matter how Beethoven implored for these shadows to leave him alone, they chatted on and would not be gone from this, his one-man catacomb. Then Twist explained how it was that they could not do as the composer wished, for since they were his shadows, it was only by his light they could exist. And as Beethoven's life was fading on this, his final night, it was only natural that these shadows should cling closer to his fading light. Now meanwhile, the clock, it just ticked on, as clocks are wont to do, for time's their only purpose, their only point of view. But when that clock struck midnight, its chimes both loud and clear, from out of those shifting shadows, a final figure did appear. His voice, it had a certain charm that concealed all his disease, as he introduced himself to them as the Mephistopheles. He said that he had come to collect the great Beethoven's soul, that it really wasn't much, you see, merely a lump of coal. You look surprised, my dear composer, this simple fact to learn. But before tomorrow morning, together we will watch it burn. Beethoven stepped back in horror. This thing cannot be true, for I have done no great wrongs in life, at least none that I knew. Men quite often forget their sins, the devil did reply, until it's too late to repent. Forgetting, it's never too late to die. It's a part of human nature upon which I've come strongly to rely. Men quite often forget their sins, for redemption can always wait. And I always allow this to happen. It's an important part of my bait. And by the time that they remember, it always tends to be too late. Now you may think your sins are minor, that to enter hell they're not enough. Well, a cruel act here, a rude word there, believe me, they add up. And rising from the shadows is the specter of your death. For since your birth he has been owed, and now is here to clear the debt. But perhaps we can talk a little while, for you are not dead. Not yet. All of your life now you have denied there'd be a time when you'd ever never die. Still, it's been rumored this thing must be. Why is it then that you act surprised when I appear now to be your guide? Why do you hesitate to follow me? See it rising still and wonder. Hear it beckon you to dance. Feel it hold you. You claim you are not prepared. So much to do, you cannot be spared. Still, your entreaties, death will not hear. The graveyard is filled with important men who could not be spared, but were in the end. And so I whisper now in your ear. Stare and wonder, hear it beckon you to dance, feel it hold you, take you under. I'm your god of second chance, second chance, second chance, c'est canon quand même, hein. Voilà donc, c'était TSO, donc Trans-Siberian Orchestra, donc c'est le backstage consacré donc, à leur album Beethoven Last Night de Trans-Siberian Orchestra. Alors, il y a aussi des projets parallèles, hein, qu'il faut savoir, donc chez Trans-Siberian. Savatage deviendra inactif donc en 2002, mais l'ensemble des membres du groupe participent au Trans-Siberian Orchestra. John Oliva se consacre essentiellement à la composition pour TSO, donc Trans-Siberian Orchestra, et à son projet parallèle qui s'appelle tout simplement John Oliva Paints. Il a longtemps considéré le caractère improbable d'une reformation de Savatage, puisque tous les membres sont très sollicités dans Trans-Siberian Orchestra. Il faut savoir que bon, maintenant ils ont quand même signé un contrat d'exclusivité pour participer l'année dernière ou l'année avant au Wacken, et ils ont signé que l'exclusivité pour le Wacken, donc sur la formation Savatage, et ils ne pouvaient se produire autre part que pour le festival du Wacken Open Air, ce qu'ils ont fait remarquable. Et ce qui était assez marrant, c'est que ils ont su faire un double emploi, c'est-à-dire que, enfin, pour vous résumer deux secondes comme ça, c'est que au Wacken ou même dans les gros big festivals, il y a deux main stages, c'est les fameuses grosses scènes, hein, l'une à côté de l'autre généralement. Et ce qui était marrant, c'est que à un moment donné sur la main stage de droite, jouait Savatage. Et directement après, 5 minutes après, à la fin du show de Savatage, enchaînait directement le Trans-Siberia Orchestra. Donc les personnes qui étaient venues voir soit TSO ou soit Savatage avaient le privilège de voir les deux, quoi, pour on va dire pour le prix d'un, même si c'était pour plus pour un festival. Mais ils ont fait double emploi. C'est vraiment bien réfléchi de leur part. Bon, malheureusement, moi je ne peux pas parler d'avoir vu les Trans-Siberia, mais je peux vous garantir que j'ai vu Savatage et ça joue super bien. On va s'écouter un autre extrait, donc le 8e extrait. Des fois j'essaie de passer les interludes un peu longues, parce que sinon on n'entend que parler, pas beaucoup de musique. Donc là il faut savoir aussi que le titre qu'on va s'écouter, qui s'appelle What is Internal, il y avait aussi une interlude de 4 minutes que j'ai zappé pour vous passer que la chanson, donc What is Internal, et on se retrouve tout de suite après pour continuer donc sur Trans-Siberia Orchestra. Vous écoutez Backstage. And here in the night, as I feel the inferno, I stare in the dark, thinking what is eternal? The man or the moment, the act or the reason? These thoughts fill my head as I contemplate treason of dreams I have had and dreams I have pondered, when late in the night my mind it would wander to things I have done and then quickly regretted, while denying vices my life had selected. And I think what I've done or have yet to begin, and the man I've become and the man that I've been. Now caught in a waltz with the eternal dancer, I'm courted by death, but death isn't the answer. I say meant to be. Could I suddenly just decide not a thought would survive? Could it be my life's worth ended there with my birth? If I could see someone who's been there before me and traded his soul for a moment of glory, his penance or mercy, my spirit's debated while judged on a scale that's been heavily weighted. And what have I done? Could there be such a sin in this man I've become, in this man that I've been? Now calling to God from the pit's very bottom, I pray he forgives every sin I've forgotten this day. And who would have thought that my fate it would conjure this twist in the road on which I have wandered? Each vision and dream now completely dismembered, to give one's whole life and find nothing's remembered. And what good's a life that leaves nothing behind? Not a thought or a dream that might echo in time. The years and the hours, the seconds and minutes and everything that my life has placed in it betrayed. Betrayed. Betrayed. The things I have done, the places I've been, the cost of my dreams, the weight of my sins, and everything that I've gathered in life. On ne vous a pas tout dit. L'émission qui fait débat. Quand les acteurs locaux se mobilisent et prennent la parole sur notre présent, notre futur. On ne vous a pas tout dit. Les troisièmes mercredis du mois, en direct et en public, de janvier à mai. Le troisième mercredi du mois, de 20h30 à 22h30. On ne vous a pas tout dit. Proposé par la ville de Moucron, le Centre culturel moucronois, produit et réalisé par RQC. Voilà, donc c'est aujourd'hui soir, hein, si vous voulez, ben vous venez à l'espace André Souns, Elbar, donc, et donc à partir de 20h, on ne vous a pas tout dit, l'émission sera en direct. Voilà, vous êtes bien branchés sur RQC 95 FM avec vous jusque encore une petite demi-heure, hein, Scream, pour l'émission Backstage, consacrée cette fois-ci à TSO, donc Trans-Siberian Orchestra, avec l'album Beethoven Last Night, et vous parlez aujourd'hui surtout de cet orchestre. Dans une interview avec le magazine néerlandais Hard Shock, en juin 2006, John Oliva annonce son intention d'enregistrer un nouvel album de Savatage. Il ne spécifie aucune date de sortie. Cependant, Chris Kiffery explique en octobre 2006 que si un nouvel album de Savatage était enregistré, il ferait participer Alex Skolnick et le batteur Steve Doc Wessels lors d'une entrevue avec le site web grec Metal Temple. John Oliva dément lui-même tout retour de Savatage, expliquant n'en tirer aucun bénéfice et que garder le groupe actif lui coûterait au contraire $1 million pendant une année. Voilà, c'était une petite info, je vais vous en donner quelques-unes, puis après on passera aussi tout doucement à vous citer les membres qui participent à cette formation, c'est vraiment phénoménal. Alors on continue cette programmation musicale, hein, avec le titre The Moment, donc de Trans-Siberian Orchestra, et on se retrouve tout de suite après. Backstage, les coulisses du son. This world of circumstance, children never fear forever, and this moment that enchants, someday we may both remember. Then, maybe then, if we are still alive, then then this moment will survive. There is time in every word. There are words in every reason. And these notes that are unheard, one day they may find their season. Then, maybe then, if we are still alive, then, maybe then, this moment will survive. Mm-hmm. Très belle chanson quand même, hein, The Moment de Trans-Siberia Orchestra. Franchement, je m'en lasse pas du tout d'écouter ces compositions qui sont vraiment à tomber par terre. Et si vous avez vraiment fait attention, déjà, on entend aussi des soupçons. Bah, on a entendu un petit peu à un moment donné une petite reprise de L'Hymne à la Joie, des choses comme ça. Voilà, donc. John explique ainsi que son nouveau groupe, John Oliver Payne, est à la base un Savatage réincarné qui pourrait coexister avec Trans-Siberia Orchestra. Pourtant, une tournée spéciale 25 ans avec Skolnick, Weichholz et les autres membres de Savatage est annoncée. Paul O'Neill et Zachary Stevens. John Oliver expliquera par la suite que c'est fini sans être fini. Vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est fini sans être fini. On ne sait toujours pas quoi pour Savatage, même à l'heure actuelle en 2017. C'est fini parce que plus personne ne fait rien. On ne s'est séparé pour, on n'est pas séparé pour autant. On a de quoi faire à l'avenir. En 2007, Oliver dément toute rumeur de réunion de la tournée de Savatage, ce qui était faux vu que il y a un an ou deux, ils se sont retrouvés sur scène, comme je vous ai dit, l'un à côté de l'autre, pour interpréter donc du Trans-Siberia d'un côté et du Savatage de l'autre. C'était assez marrant et voilà. Donc, faut savoir que Savatage a quand même est un des groupes, et ils le font aussi dans Trans-Siberia, un des groupes à reprendre des chants en canon. Je ne sais pas si vous voyez à peu près ce que je veux dire en canon. C'est qu'une chanson commence, et puis à un moment donné, je veux dire, au quatrième mot, ben, un autre membre va reprendre le début de la chanson, et ainsi de suite. Et ben, Trans-Siberia et Savatage ont cette particularité de faire ça même en concert, et là franchement on est tous on reste sur le cul, parce que il faut être franchement d'une synchronisation, mais en plus de ça, quand on joue dans l'instrument et qu'on fait des canons, ben et franchement ils ont la faculté de le faire, mais avec une aisance incroyable, à tomber par terre pour nous spectateurs en regardant ces gens s'éclater à faire ce genre de choses. Alors, on va continuer cette programmation musicale, toujours extrait de l'album, et en plus là c'est toujours le CD1 de Beethoven Last Night. En plus la pochette elle est vraiment pas mal, elle sera sur la page Backstage du Facebook de Backstage. Donc Beethoven Last Night, on va s'écouter Vienna, donc Narration, et puis après ce sera la chanson Vienne, donc Vienna, donc de Trans-Siberia Orchestra. En couleur, en concert. Sur RQC. A composer then looked at the child, who smiled but did not speak. And then the child faded into the dark of the past, where the darkness is always deep. And Beethoven turned back to fate, who had always been close by, and told her what he wanted changed, so that his fate could be defied. I did not need a teacher who taught with the back of his hand, while the music I was dreaming he could never understand. Fate said, "These moments of your life I'll change. But there is a warning that I must give. To change one moment of a life can change how that life is lived. Like the gears inside a clock, one moment turns another. Remove from a wall a single block, and sometimes that whole wall will shudder. The pain you felt through childhood would now seem to have no worth, but it was the salve you sought to ease that pain that gave your sixth symphony birth. So before I grant this wish and this tale you later tell, know that these wounds will disappear, but so will your sixth symphony as well. So now that you know all that will be changed, including things far out of view, when your decision has been made, tell me what it is you would have me do." Fate did not have long to wait, for the answer was clear upon his face. His childhood would retain its tears, and his sixth symphony would retain its place. Fate then said that they should move on, for their time was growing short, and then asked where he had been happiest, and she watched as he followed that thought. For a moment, there was a glitter, somewhere beyond his stare, in a time when days were not bitter, and she found Vienna there. Which brings us all, my friends, to the next chapter in our story, as they watched Beethoven as a young man arriving in Vienna with all its glory. Since I was a child, I've seen her in a dream, a captured fairy tale that echoes across my life. And though I've courted her, she's always stayed unseen. Now all at once she glitters in the night. But that was yesterday, and that was all before, when she was far away, a silhouette of dreams. But others whispered that she was so much more, and suddenly I now know what they mean. Dreams change, years strain, lost illusions, last stands, God's hand, absolution found. Sins, visions by Grimm, all forgiven, life spent in vain, never reclaimed, take their final vows. Pictures and words, visions absurd, maddened poets all live in sight, failures in life, who'll never know it's Lazarus cries, there in his eyes. Hope has risen, death and facade, all before me now. Vienna. Voilà, juste à l'instant, Vienna, donc de Trans-Sibérian Orchestra. Vous êtes bien branchés sur RQC 95 FM avec vous jusqu'à 10h30, encore un petit quart d'heure. Hein. Et Scream pour l'émission, donc Backstage, dont vous êtes habitués maintenant à retrouver. Alors, faut savoir aussi qu'en studio, quand Trans-Sibérian enregistre en studio, ils ont un orchestre complet de 60 instruments, ainsi qu'un chœur, donc les chœurs, vous savez de quoi ça se compose, hein. Et en tournée, depuis 2004, en tournée, le groupe tourne avec 14 chanteurs, 14 musiciens et 2 narrateurs. Ça fait déjà pas mal de monde à pouvoir caser dans les loges, à pouvoir loger aussi pour les organisateurs. C'est vraiment une prise de tête quand même, hein, et ça tourne à travers le monde. C'est ça que j'insiste vraiment. C'est à travers le monde et ça ne se cantonne pas que dans un pays. Et c'est très bien pour nous. Alors, je vais vous parler d'abord de donc les deux compositeurs, c'est Robert Kinkel qui est compositeur, coproducteur et claviériste, et John Oliva qui est un des compositeurs. Dans les narrateurs, on a Anthony Gaynor et Brian Hicks. Après le titre qu'on va s'écouter, je viendrai vous parler des chants. Pour vous parlera de guitare, basse, batterie, clavier, violon. Puis après, on vous parlera aussi des anciens membres qui ont composé cette formation de Transsibéria. On peut dire anciens membres, oui et non, parce qu'il y en a qui partent, qui reviennent. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est une grande famille. Transsibéria Orchestra. Là, on va s'écouter Mozart Narration. Et après le titre, Mozart, tout simplement. Vous écoutez Backstage. It was here you first met Haydn and walked through palaces filled with art and studied with your childhood hero, the legendary Wolfgang Amadeus Mozart. It was here, as you improvised together, that Amadeus became your brother, your melodies weaving seamlessly as each note seem to dare another. We'll be right back. Voilà, donc c'était le titre Mozart, tout simplement, de Transsiberia Orchestra. Encore une fois, on a entendu des petits soupçons de musique classique très connue derrière tout ça. Alors, dans le chant, on a Steve Broderick, Tommy Farasay, Jamie Garner, Christy George, Alexa Goddard, Christine Lewis Gorman, Erin Henry, Stena Hernandez, Tim Oakenberry, Daniel Lundberg, Jamie Lewis, Ian Pierce, Valentina Porter, Andrew Ross, Jeff Scott Soto, Scott Ford, Bart Chartow, Adrian Warren, Russell Allen. À la guitare, on a Chris Kefferi, Angus Clark, Al Petrilli, qui est aussi un ancien d'Alice Cooper, un ancien Megadeth, Alex Skolnick, qui est un membre de Testament, Joel Orchestra. À la basse, on a Chris Altelhoft et John Lee Middleton. À la batterie, John O'Reilly et Jeff Platt. Au clavier, Lucy Butler, Jen Magini, Derek Wellion. Au violon, Roddy Schon, Anna Fobé, Mark Wood. Ça, c'est pour les membres actuels de Transsiberia. Après un extrait, je reviendrai avec les anciens membres et la discographie. Et ce sera la fin, malheureusement, pour nous déjà. On va écouter The Dream of Candlelight, la narration et le titre Dream of the Candlelight. Backstage, les coulisses du son. Fate then reminded him that music was not the only debt he owed the city of Vienna. It was there that he first met the Habsburg princess Teresa, and how their lives became entwined by a love that became immortal and still echoes now through time. This night it last forever, every moment held together, as if in a perfect trance, and such a thing could be. No one else would understand it, we would know the gods had planned it, and for such a night is this that they gave memory. And we would live inside this night, within the dreams of candlelight. If you would bring this wish to life and spend this night with me. This moment last forever, and this dream our one endeavor, if the stars would just enchant, and time would then agree. Every moment of tomorrow, from this evening we would borrow, if this wish the stars would grant and gently oversee. Thank you. The Dream of Candlelight. C'était Trans-Siberian Orchestra. Donc là, les anciens membres, il y avait fatalement Paul O'Neill, compositeur, auteur, producteur, qui nous a quittés au mois d'avril. Donc au chant, Heather Guns, Patty Russo, Jennifer Sella, Max Mann, Peter Shawn, Midland Merlin, Zachary Steven, Tani Ling, James Robert Lewis, Michael Lenning, Daryl Paddiford, à la guitare John Bovina, à la basse John Ware, David Z, au clavier Donald René, Mi Ukin, et au violon Alison Zlotton. À la discographie, donc, on a en 1996 Christmas Heaven and Other Story, en 98 The Christmas Attic, en 2000 Beethoven Last Night, et celui qu'on vient de s'écouter, The Lost Christmas Eve en 2004, 2008 Night Castle, en 2013 Tale of Winter, 2015 Letter from the Labyrinth. Voilà, donc c'était les Trans-Siberian Orchestra. Franchement, il n'y a pas beaucoup de discographie, hein, mais sincèrement, ça vaut le coup de posséder ces albums qui sont vraiment magnifiques. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission Backstage. Là, on va se quitter avec Requiem. Le Requiem, donc, de Trans-Siberian Orchestra. Et je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, les amis. Vous écoutez Backstage.